Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février 2015 et nous fêtons les Roméo. Qu'il soit d'Alpha ou de Vérone, le Roméo est toujours synonyme de beau gosse, à l'image de celui présenté ce week-end par une société avec un nom de bande dessinée qui a pour but d'aider les personnes âgées. Pour plus d'informations, je vous mets le lien en description. Bref, le 25 février 1429 a changé la face du monde, car c'est ce jour-là que la pucelle d'Orléans s'est agenouillée devant Charles VII à Chinon, lui mandant de bouter les angoisses de France et transformant ainsi la France en un véritable paradis. Si le roi n'avait pas cru la jeune femme, jamais elle n'aurait pu aller combattre à Orléans le 8 mai, jamais elle n'aurait continué sa conquête et jamais elle n'aurait été arrêtée à Compiègne pour être ensuite jugée et brûlée vive à Rouen. Donc aujourd'hui, personne ne connaîtrait ni Orléans, ni Compiègne, ni Rouen. Et la boutade, sais-tu quelles ont été les dernières paroles de Jeanne d'Arc ? Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite, serait tout bonnement incompréhensible. Alors que serait la France en cette rencontre décisive ? C'est pas compliqué. Nous mangerions du pudding en roulant à gauche, en écoutant notre reine à la BBC, en anglais bien sûr. L'enfer. Rendez-vous demain pour une nouvelle uchronique. Que se serait-il passé un 26 février ?